Eh bien nous revoilà, toute l'équipe du GSA est encore là pour ce Noël Ensemble 2023 et cette fois-ci pour nous faire voyager tout autour de notre planète et découvrir des chansons et traditions de Noël venues du monde entier. Nous sommes sur la piste d'envol de Fadjet. Embarquement immédiat, vous êtes prêts la Dream Team? Oui! Alors on commence immédiatement avec une chanson de circonstance qui s'appelle Noël des enfants du monde, écrite et composée par Jean-Nathy Boyer et interprétée par le groupe Vox Angeli Gloria. Joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux Noël. Nous quittons la France pour un long voyage et notre première halte sera en Irlande. En Irlande, la population locale est particulièrement attachée à la fête de Noël et à ses traditions. Il faut dire que c'est l'occasion pour les Irlandais de se réunir en famille, célébrer une fête religieuse, n'oublions pas que les Irlandais sont très croyants, très catholiques, et partager le bonheur d'être ensemble. Voici donc un aperçu des traditions de Noël en Irlande, de quoi vous permettre de mieux comprendre leurs habitudes et de faire de même chez vous si le cœur vous en dit. La tradition de Noël consistant à accrocher une couronne de houx à la porte de sa maison aurait vu le jour en Irlande, car c'était une plante abondante sur l'île en décembre. De nos jours, il est habituel que tout le monde accroche une couronne à sa porte et vous pouvez aller admirer l'un de ces vestiges de Noël traditionnels lors des foires de Noël sur l'île. La bougie de Noël. Cette tradition fait partie des incontournables Noël en Irlande. La coutume veut que l'on laisse les bougies allumées à la fenêtre. Un geste qui permettrait de signifier aux étrangers qu'ils sont les bienvenus au sein du foyer. Il s'agit là maintenant de la tradition sûrement la plus barrée d'Irlande. Le 25 décembre est organisé pour ceux qui veulent une baignade glacée. Le concept est simple, aller faire un petit plongeon dans l'océan Atlantique pour démarrer la nouvelle année de bon pied. L'eau est glaciale et demande un certain courage, mais les Irlandais ne s'en laissent pas facilement intimider. Nombreux sont les gens à faire cette baignade, petits et grands sont concernés et certains, pleins d'humour, n'hésitent pas à y aller déguisés en Père Noël, en slip et barbe blanche. Merci pour cette chronique Bertrand. Et sur ce, nous allons écouter une chanson traditionnelle et Irish qui s'intitule Christmas in Killarney. Merry Christmas, comme disent les Irlandais. Holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The door is always open, the neighbors pay a call, and Father John, before he's gone, will bless the house and all. Our hearts are light, our spirits bright, we'll celebrate our joy tonight. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. We'll decorate the Christmas tree when all the family's here. Around the roaring fire, we will raise a cup of cheer. There's gifts to bring and songs to sing and laughs to make the rafters ring. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. Ah! Green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. We'll take the horse and sleigh all across the fields of snow, listening to the jingle bells everywhere we go. How grand it feels to click your heels and dance away to the jigs and reels. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. It's nice, you know, to kiss your beau while cuddling under the mistletoe. And Santa Claus, you know, of course, is one of the boys from home. The holly green, the ivy green, the prettiest picture you've ever seen. I'm handing you no blarney, no matter where you roam. It's Christmas in Killarney with all of the folks at home. Toute l'équipe de Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Nous quittons l'Iran maintenant pour un long voyage vers Addis Abeba en Éthiopie. Alors, comment se passe Noël en Éthiopie, Océane ? Alors que la majorité du monde célèbre Noël le 25 décembre, les chrétiens éthiopiens, de même que ceux du culte orthodoxe russe ou grec, fêtent le jour de Noël appelé Géna le 7 janvier. Le Père Noël ne joue pas un rôle important dans le Noël éthiopien. Au contraire, dans les régions rurales de l'Éthiopie, les anciens portent une robe noire unique et donnent une tranche de pain préparée à la maison aux enfants. Les Éthiopiens célèbrent les rassemblements de Noël avec leurs voisins, leurs amis et leurs familles, et beaucoup d'entre eux assistent aux cérémonies religieuses. Les chrétiens orthodoxes éthiopiens jeûnent pendant 40 jours avant le Géna, en suivant un régime sans viande, sans poisson, lait et produits laitiers. Le jour du Géna, ils rompent leur jeûne au cours du festin composé de plats à base de poulet, de bœuf et d'agneau. L'une des traditions de Noël en Éthiopie consiste à jouer à un jeu appelé Yeganashevata ou jeu de Géna. Néanmoins, il est peu probable de voir cette tradition dans les zones urbaines qui ressemble un peu à un hockey. Ce jeu remonte à l'Antiquité. Les Éthiopiens célèbrent Noël en répandant de l'herbe sur le sol de leur maison pour le décorer. De la nourriture traditionnelle éthiopienne est servie, notamment de l'injera, un pain plat traditionnel éthiopien rond et spongieux, fait à base d'une variété de céréales dénommée teff et du vet, un ragoût souvent préparé avec une épice rouge largement utilisée et appelée berbère ou safran. Le vet peut être préparé avec de la viande d'agneau, de bœuf, de chèvre, de poulet ou du poisson et contient des pois ou des lentilles et des légumes. Après ce délicieux repas, il y aura une cérémonie du café, buna, car après tout, le café est, est originaire d'Éthiopie et il ne saurait manquer lors des fêtes de fin d'année. Devant les invités, les grains de café sont torréfiés et la casserole sera passée à tout le monde pour que chacun puisse en savourer l'arôme. Allez, on écoute un chant traditionnel de Noël en Éthiopie. Joyeuses fêtes de fin d'année avec Fadjet. Il est temps maintenant de quitter l'Éthiopie pour nous envoler et nous diriger cette fois vers Hawaï. Au fait, Hawaï sont des îles paradisiaques du Pacifique, mais qui font partie de quel pays ? Les États-Unis, oui. Mais elle est composée d'Asiatiques issus du pays, d'Américains évidemment, et d'Européens aussi. À toi Bertrand pour nous raconter les traditions d'Hawaï. Alors, célébrer Noël et le Nouvel An à Hawaï, c'est un peu comme Noël à la grandeur des États-Unis. Pour certains, c'est de la dinde farcie et de la purée de pommes de terre. Pour d'autres, c'est le jambon traditionnel, pommes de terre en gratin et ignam. Ou igname, je ne sais pas comment on dit. Ce qui diffère, ce sont les autres plats qui viennent s'ajouter et éléments insolites provenant des natifs de l'Asie et de l'Europe, reflétant le caractère multi-ethnique des îles. Vous retrouverez sans doute tout cela si vous assistez à un potluck avec du sashimi, du poisson cru, un must pour le réveillon du Nouvel An. Le fameux lumpia, des rouleaux de printemps frits à la banane, aux légumes ou au bœuf. Des tonkatsu, des côtelettes de porc panées et frites. Le lolo, c'est du porc et du poisson cuit au four dans les feuilles de taro. Ou encore opuleu, ou short ribs, qui sont des petites côtes levées au barbecue. Nous trouvons aussi du jeun, du bœuf haché passé à l'œuf et frit à la poêle, la salade de nouilles aux épices. On retrouve aussi des petits plats d'accompagnement comme le riz collant à sushi, le kimchi, les gâteaux de poisson, le saumon lomi, du taigu et des nouilles frites, le tout placé au centre de la table. Bref, de quoi se régaler. Alors sinon, la tradition de Noël est un peu comme chez nous, à la sauce américaine surtout, tout est en grand. Honolulu devient sa capitale qui brille de mille lumières. Ah oui, on rajoute des bonbons dans le sapin de Noël, que l'on fait d'ailleurs le plus souvent juste après Halloween. Et puis n'oubliez pas, c'est l'été pour Noël à Hawaï, alors n'oubliez pas de fêter Noël avec votre chemise à fleurs. Joyeux Noël, mele kali kimaka, comme disent les Hawaïens. Et maintenant, écoutons One Day of Christmas de Numba. Christmas, my tutu gave to me one line about in what papaya tree. The number two day of Christmas, my tutu gave to me two coconuts and one line about in what papaya tree. The number three day of Christmas, my tutu gave to me three dry squid, two coconut, and one line about in what papaya tree. Number four day of Christmas, my tutu gave to me four flower lace, three dried squid, two coconuts, and one line about in what papaya tree. Number five day of Christmas, my tutu gave to me five big fat peas, four flower lace, three dry squid, two coconuts, and one minor bird in the papaya tree. Number six day of Christmas, my tutu gave to me six hula lessons, five big fat peas, four flower lace, three dry squid, coconuts, and one minor bird in one papaya tree. Number seven day of Christmas, my tutu gave to me seven shrimps a-swimming, six hula lessons, five big fat peas, four flower lace, three dry squid, two coconuts, and one minor bird in one papaya tree. Number eight day of Christmas, my tutu gave to me eight ukuleles, seven shrimps a-swimming, six hula lessons, five big fat peas, four flower lace, three dry squid, two coconuts, and one minor bird in one papaya tree. Number nine day of Christmas, my tutu gave to me 9 pounds of poi, eight ukulele, seven shrimps a-swimming, six hula lessons, five big fat peas, four flower lace, three dry squid, two coconuts, and one minor bird in one papaya tree. Number 10 day of Christmas, my tutu gave to me 10 cans of beer, 9 pounds of poi, 8 ukuleles, 7 shrimps a-swimming, 6 hula lessons, 5 big fat peas, 4 flower lace, 3 dry squid, 2 coconuts, and 1 minor bird and 1 papaya tree. Number 11 day of Christmas, my tutu gave to me 11 missionaries, 10 cans of beer, 9 pounds of poi, 8 ukuleles, 7 shrimps a-swimming, 6 hula lessons, 5 big fat peas, 4 flower lace, 2 dry squid, 2 coconuts, and 1 minor bird and 1 papaya tree. Number 12 day of Christmas, my tutu gave to me 12 televisions, 11 missionaries, 10 cans of beer, 9 pounds of poi, 8 ukuleles, 7 shrimps a-swimming, 6 hula lessons, 5 big fat peas, 4 flower lace, 2 dry squid, 2 coconuts, and 1 minor bird in 1 papaya tree, and 1 minor bird in 1 papaya. Thank you. toute l'équipe de Fadjet vous souhaite un joyeux Noël. Votre ceinture est bien attachée. Allez, on redécolle cette fois et on va vers le Japon. Sébastien, c'est à toi. Noël a des origines religieuses qui étaient, pendant longtemps, étrangères aux Japonais. Cette célébration a été introduite une première fois au Japon en 1565 par des missionnaires portugais, mais fut interdite dès 1612, en même temps que l'interdiction du christianisme dans l'archipel. C'est seulement deux siècles plus tard que certaines traditions liées à la fête de Noël refirent leur apparition au Japon. La première fut le célèbre sapin de Noël, ou Kurisumasu Tsuri en japonais, en 1886. La chaîne de magasins haut de gamme Meiji Ya décora son magasin avec un sapin de Noël. Ce sapin de Noël avait été préparé pour les matelots étrangers, qui étaient nombreux à Yokohama. Quelques années plus tard, au début du XXe siècle, la chaîne de pâtisserie japonais Fujiya commença à commercialiser un gâteau de Noël. Petit à petit, d'autres traditions se sont implantées dans l'archipel, en commençant par le mythe du Père Noël ou Santa Claus. Les magazines destinés aux enfants et aux jeunes femmes émettaient déjà à cette époque, soulevant l'accent sur des légendes autour de Noël, mais aussi sur des idées de cadeaux et des recettes pour Noël. Ces traditions sont aujourd'hui toujours très appréciées au Japon et sont bien plus mises en avant que l'aspect religieux de cette célébration. En Occident, on associe la période des fêtes de fin d'année, et plus particulièrement Noël, à la famille. Au Japon, c'est le nouvel an qu'on passe traditionnellement en famille. Noël est donc plutôt associé au couple. C'est l'occasion de se retrouver pour admirer les décorations de Noël, s'offrir des cadeaux et bien sûr, se retrouver autour d'un dîner. Au Japon, le plat de prédilection pour Noël est le poulet, rôti mais surtout frit. Cette tradition est née suite à une campagne de pub des années 1970 lancée par le géant américain du poulet frit, KFC. Incroyable mais vrai, c'est devenu le repas de Noël et vous avez intérêt à réserver dès septembre. Sinon, le jour de Noël, les prix s'envolent. Le dessert japonais préféré à Noël n'est pas la bûche, mais le shortcake est un petit gâteau d'origine britannique qui accompagne souvent le thé. Il se reconnaît par sa couche de crème blanche et ses fraises en tranches ou entières qui le décorent. Et le champagne préféré des japonais n'est pas du tout le champagne, mais du saké pétillant à 40 degrés. Faites attention! Joyeux Noël, Merry Kurisumasu en japonais dans la langue katakana. Sinon dites Merry Christmas, tout le monde comprendra. Et maintenant, écoutons la chanson préférée de Noël au Japon, le fameux We Wish a Merry Christmas, mais en japonais bien sûr. Me. passer le plus beau des Noëls avec Fadjet. Joyeux Noël ! Bien digéré le saké pétillant. Alors, on redécolle, direction l'Australie, dont la capitale est Canberra, et non Sydney comme on le pense souvent. La grande différence entre l'Australie et chez nous, à Noël, c'est que là-bas, Noël est en plein été. Alors, un Noël australien réussi, c'est passer la journée à la plage autour d'un grand pique-nique, puisque c'est un jour férié. On ne fête que le 24 décembre et donne des cadeaux le 25. Souvent une petite barbe babiole enveloppée dans une grande papillote et un grand ruban. On dit aussi souvent « Happy Holidays », « Bonnes vacances », plus que « Merry Christmas », « Joyeux Noël ». Car c'est l'été et la période donc. Des vacances, le lendemain, ce sont des grands départs. Ceci dit, oui, de plus en plus, les Australiens fêtent deux fois Noël. Suivez-moi bien. Bon, le 25 décembre, comme tout le monde, mais aussi le 25 juin, qui sont les vacances d'hiver en Australie. Les Australiens voient bien à la télé que Noël rime souvent en Europe, avec froid et neige. Donc, les stations de ski, les malins, font toute une déco de Noël et refont les fêtes de Noël, avec de bons repas, des cadeaux. Et pour les touristes européens, américains, et du coup pour les Australiens aussi, ça recommence, ça commence à se développer partout cette affaire-là. On va bientôt dire malin comme un Australien. Allez, on écoute le célèbre Jingle Bells, mais en langue aussi, qui n'est pas la langue officielle qui reste l'anglais, mais la langue populaire australienne qui est un mélange d'anglais, d'américain populaire et d'irlandais. On mélange les sons, on adapte ou on raccourcit les mots. Exemple, Australie se dit aussi. Dashing through the bush in a rusty holden ute, kicking up the dust, esky in the boot, kelpie by my side, singing Christmas songs. It's summertime and I am in my singlet, shorts and thongs. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Christmas in Australia on a scorching summer's day. Hey! Jingle bells, jingle bells, Christmas time is due. Oh, what fun it is to ride in a rusty holden ute. Engine's getting hot, dodge the kangaroos. Swaggy climbs aboard, he is welcome too. All the family is there, sitting by the pool. Christmas Day, the Aussie way, by the barbecue. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Christmas in Australia on a scorching summer's day. Hey! Jingle bells, jingle bells, Christmas time is mute. Oh, what fun it is to ride in a rusty holden ute. Afternoon, Grandpa has a doze. The kids and Uncle Bruce are swimming in their clothes. The time comes round to go. We take a family snap, then pack the car and all shoot through before the washing up. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Christmas in Australia on a scorching summer's day. Jingle bells, jingle bells, Christmas time is due. Oh, what fun it is to ride in a rusty holden ute. Oh, what fun it is to ride in a rusty holden ute. Joyeux Noël à tous sur Radio Fadjet. Nous repartons vers les Pays-Bas, pays dont nous avons déjà beaucoup parlé dans nos émissions des années précédentes, que nous vous conseillons d'ailleurs de réécouter en podcast sur le site de Fadjet. Je vais laisser la parole à Alain. Alain ? Pour résumer, Noël, l'Irlandais, ressemble beaucoup à notre Saint-Nicolas, normal. Célèbre homme et passé aussi par là-bas. On fait donc plus Saint-Nicolas le 6 que le Noël 25. Pour le 25, c'est surtout un grand repas de famille. À base de poissons crus, ad hoc, de saumon, de truites fumées, viande, de quelques légumes, des fromages, et on étale tout sur la table. Chacun se sert et prépare sa recette dans des caquelons au grill. Cela ne vous rappelle rien. Mais oui, mais c'est bien sûr la raclette de chez nous. Merci beaucoup Alain. Sur ce, nous écoutons une chanson néerlandaise de Noël. Il s'agit de Erosies aan God de Keska Krajenoord. En espérant que je l'ai dit correctement. In de hoge, in de hoge, in de hoge. Joyeux saut avec Fadjet. Sébastien, hors d'école, c'est parti. Allez, nous poursuivons notre voyage vers les États-Unis, en Louisiane, au pays Cajun. On rappelle que c'est une région qui a d'abord été colonisée par les Français. Eh oui, monsieur Lafayette, venu au secours des Américains avec sa flotte et contre les Espagnols. On en parle encore, 15% des Cajuns ou Cajuns parlent encore le français, qui est une seconde langue, un mélange de vieux français et de québécois. Car beaucoup de Canadiens francophones se sont aussi installés là-bas à cette époque. Là-bas, on dit « Papa Noël », une expression mixée du français et de l'antillais. Si vous vous trouvez dans la paroisse de Saint-James, à la mi-décembre, vous verrez un certain nombre de sites et de lumières éblouissantes, mais pas les lumières de Noël typiques auxquelles vous pensez probablement. Au lieu d'arbres de Noël ornés d'ornements et d'ampoules électriques, attendez-vous à trouver d'immenses feux de joie construits à partir de planches de bois. N'appelez pas les pompiers, c'est la fête des feux. Cette tradition consistant à allumer les feux de joie remonte aux années 1800 et est un vestige des célébrations des fêtes catholiques françaises et allemandes. Après avoir assisté à une messe de minuit, les gens de toute la région dégustent des bols de gumbo chaud, écoutent de la musique et célèbrent des joies des vacances avec leurs amis et leurs familles. Une version moderne d'une tradition cajun, Noël acadien au village, est une célébration incontournable des fêtes à Lafayette. Chaque année de la fin novembre à la fin décembre, le site de préservation historique du village acadien, une reconstitution historique fidèle d'un village cajun typique des années 1800 qui se transforme en un paradis hivernal. Nous ne pouvons pas parler du célèbre repas de fête sans parler de la tour d'Ouken. Bien sûr, la partie la plus excitante de la saison des fêtes pour tout Cajun de sang pur est l'avènement de la saison des écrevisses. Bien qu'elle ne soit pas officiellement liée à la saison de Noël, il se trouve que la saison des écrevisses commence généralement vers la mi-décembre ou la fin décembre, selon la météo favorable. Les écrevisses n'ont pas tendance à bien réagir aux gelées rapides et dures. Bien sûr, il n'y a pas de meilleure façon de partager l'esprit des fêtes qu'en offrant des cadeaux et de faire la fête avec des musiques traditionnelles. Un mélange de folk, de traditionnel et de country. Et bien sûr, avec de belles danses. Et tout de suite, une chanson traditionnelle cajun. Allez, joyeux Papa Noël! Down in Louisiana, we have a Cajun Christmas. There ain't much snow and the fae don't know, but you're welcome to come with us. Uncle Joe and Annie Flo come rolling down the bayou, bringing jugs of Christmas cheer to wash down from this pile. Then the fiddles come out and the kids all shout, and the uncles and the aunts start to dance about. Tadpoles picking out diggy diggy low, it's a Cajun Christmas. Down on the bayou. Joyeux Noël sur Fadjet. Nous voilà repartis cette fois direction l'Amérique latine, au Venezuela, où l'on fête bien sûr Noël. Au Venezuela, pays très croyant, pas question de manquer la messe de Noël. Les habitants de Caracas, la capitale du pays, se rendent à cette messe non pas à pied, ni en voiture comme partout ailleurs, mais en roller. Effectivement, chaque année, la ville ferme la plupart des routes afin d'assurer la sécurité des croyants qui se rendent en roller jusqu'à l'église. Cette tradition remonterait possiblement jusqu'aux années 50, lorsque, après la messe, les familles se rassemblaient pour s'offrir des cadeaux. De nombreux rollers faisaient partie des présents à déballer. Là-bas, Noël est la période la plus riche en fêtes religieuses populaires. C'est avant tout un moment de partage, en famille, entre amis, dans la bonne humeur et la convivialité. Et quel meilleur moment pour échanger que la période de Noël ? Dans certaines régions vénézuéliennes, on fête Noël de façon un peu plus étrange. Une personne désignée par le village se charge de voler et de cacher l'image de l'enfant de Jésus. Durant 3 jours, ils s'organisent alors une grande cérémonie, El Robo y el Busqueda del Nino, excusez ma prononciation potentiellement désastreuse, le vol et la recherche de l'enfant, avec des cortèges entiers de gens déguisés, représentant à leur manière des symboles tels que la Vierge, les rois mages ou des pasteurs, des anges et des protecteurs de ces villes et villages. Et voici Ven a mi casa, esta Navidad de Luis Miguel Leal. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena. Pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú qué recuerdas? Quizá tus padres o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado. Intenta sonreír. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa. Muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ho ho ho ho! Joyeux Noël sur Fadjet! Joyeux Noël! On redécolle cette fois-ci, direction le Brésil. Françoise, parle-nous du Brésil. Comme tous les pays de tradition catholique, Noël est fêté au Brésil, mais avec toute la démesure festive de ce pays. Dans son chaud manteau, rouge à fourrure blanche, le Père Noël arrive au supermarché sur son traîneau, mais suspendu au patin d'un hélicoptère, il distribue des bonbons et friandises aux enfants massés en dessous de lui. Non, vous ne rêvez pas. Dans votre Bermuda et vos tongs, vous êtes bien au Brésil. La magie est la même qu'en Europe. Le sapin immense, en plastique, évidemment, est bien dressé. Le Père Noël est protégé contre le froid. Il a une grande barbe blanche. Les petits Brésiliens l'imaginent comme ça. C'est comme cela qu'ils doivent apparaître. Même si le pauvre laisse quelques litres de sueur dans la fourrure de son habit étouffant. Comme en France, les galeries marchandes et les autres espaces commerciaux se parent d'une décoration de circonstance, mais au Brésil, elle est beaucoup plus impressionnante. C'est la fête comme savent l'organiser les gens du cru. Même les chants de Noël prennent des rythmes de samba qui ne laissent pas indifférents. Allez, on redécolle, on reprend notre voyage et cette fois, direction l'Asie et en particulier le Vietnam. Tao, c'est à toi. Le Noël au Vietnam est une occasion pour sortir. Noël est devenu populaire là-bas seulement depuis les années 80. On ne fête pas le 25 décembre, mais uniquement le réveillon du 24. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que le Noël n'est pas un jour férié au Vietnam, ni une fête religieuse. Ainsi, le 25 décembre ressemble à un jour de travail comme les autres. C'est aussi la chance pour les entreprises et les organisations d'organiser un Noël mémorable. À Noël, on donne des cadeaux, des messages chaleureux. Les enfants aiment cette fête, car ils se font offrir des cadeaux par le Père Noël. Plus précisément, les chrétiens se préparent à officier à la cathédrale. Les différences entre les occidentaux et les vietnamiens par rapport à Noël. Alors tout d'abord, les occidentaux décorent les sapins par eux-mêmes, là où les vietnamiens achètent des sapins en plastique ou des sapins déjà décorés. En Occident, tout le monde rentre chez lui pour se réunir en famille à Noël. Là où au Vietnam, les gens préfèrent sortir dehors, hein, c'est plutôt une fête que l'on fête entre amis. Dans les pays occidentaux, le Père Noël est toujours grand avec un gros ventre. Au Vietnam, pas vraiment, la présentation est plutôt libre, hein, il suffit de porter une tenue de Père Noël pour vraiment représenter le Père Noël. Sur ce, on retrouve un chanteur très populaire au Vietnam, Elvis Fiong, dans sa chanson de Noël « Bai Tan Ka Buon ». Thank you. lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối. Nhớ quá đi thôi, giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Ho, ho, ho. Joyeux Noël sur Fadjet. Joyeux Noël. Il est temps pour nous de retrouver cette parenthèse si agréable de Noël en ce qui nous concerne. Un grand merci à tous les membres du GSA. Merci à Bertrand, à Alain, à Françoise, à Tao et à Sébastien et Océane. Notre seul but était de vous permettre de passer, seul ou en famille, une jolie fête de Noël. Les émissions spéciales de Noël se poursuivent toute la journée sur Fadjet. L'heure du plus grand repas de Noël arrive, alors nous allons nous retirer sur la pointe des pieds pour les installer sous la table. Toute l'équipe vous souhaite une nouvelle fois de belles fêtes et à... Joyeux Noël ! À bientôt, ciao, bye bye.